Histoire d'une nuit par Jules Lermina. Suis-je un héros? Suis-je un lâche? Dois-je me mépriser moi-même ou ai-je réellement droit à ma propre estime? Et puisque j'ai si grand désir d'obtenir à ces questions une réponse catégorique, pourquoi ne vais-je pas me confesser à un tiers, un ami? Non, je sens que nul, si dévoué me fût-il, si franche que fût ma révélation de conscience, ne me jugerai aussi équitablement que je puis le faire, moi seul, car seul je me connais, seul je puis m'avouer à moi-même ce qu'on n'avoue à personne, même au confident le plus intime, même au prêtre. Au plus profond de notre être, il est des recoins secrets que l'œil le plus exercé, voire le mieux dirigé par l'aveu, ne sait pas scruter, parce que l'examen se complique nécessairement d'une longue période qui fait défaut à l'expert occasionnel. Qui veut juger la conscience d'autrui la juge d'après la sienne propre. En vain essaierait-il de se dégager de sa personnalité spéciale. L'égotisme est une force à laquelle nulle impartialité ne résiste. Et tout homme à qui vous posez ce problème, étant donné telle ou telle circonstance, ai-je bien agi en faisant ce que j'ai fait, y substitue celle-ci, aurais-je agi ainsi à sa place. Mais vous n'êtes pas moi. Il n'est pas deux hommes au monde dont le passé, le caractère, les passions, les faiblesses ou les noblesses, visibles ou réelles, soient, je ne dis pas adéquates, mais même équivalentes. De même que dans la forme extérieure, il n'est pas deux visages, deux traits, deux expressions, si fugitives qu'elles soient, qu'on puisse dire scientifiquement, c'est-à-dire réellement, identiques l'un à l'autre. De même, et bien plus encore, dans l'anatomie, dans la dissection de la conscience, n'est-il pas deux fibres morales, deux aspirations, deux désirs, deux volontés qui aient même principe ou même puissance? La personnalité humaine est essentiellement unique. Chacun de mes actes est la résultante de mobiles qui n'ont été mis simultanément en action que par des causes dont la contingence exceptionnelle se rapporte à un état singulier, état qui jamais, sauf par un jeu inouï du hasard, ne se pourrait reproduire en un être autre que moi. L'identité des actes n'est elle-même qu'une illusion. Un autre aurait pu agir comme moi, arriver à une conclusion conforme, sans que cependant un seul des motifs qui m'ont dirigé eût eu la moindre part à sa détermination. C'est pourquoi, ne reconnaissant d'autre juge vraiment, absolument juste, que ma conscience, c'est à elle, c'est devant elle, que je veux exposer ma cause, après m'être mis en demeure pour mon repos, de dire la vérité, toute la vérité. Ce serment, qui en face d'un tiers, serait quand même un mensonge, en raison d'atténuation, de compromis, dont avec toute la bonne foi imaginable, je ne saurais pas me défendre, je suis certain de le tenir vis-à-vis de moi. Ce papier que je viens de placer sur mon bureau, et sur lequel se penche ma plume, contiendra le procès-verbal impeccable qui m'imposera le verdict mérité. Et quand je le relirai, n'y trouvant pas un seul mot qui ne soit l'expression de la vérité, le tribunal de ma conscience, devant lequel je me cite, m'absoudra ou me condamnera. Aurais-je bien le courage de tout écrire? Il le faut, je le veux. Mon acte clôt le passé, mais ouvre l'avenir. Le jugement, rendu par moi-même, me donnera la force d'accepter cet avenir, de le subir, de l'étendre, de le développer, ou au contraire, me convaincra de mon impuissance à le réaliser tel qu'il doit être. En ce second cas, j'aurai à examiner ce qui me reste à faire, et si je dois disparaître, mourir même, je ne reculerai pas devant la sanction de la décision que j'aurai rendue. Du courage donc, l'exaltation qui m'a soutenu jusqu'ici est tombée. Je suis et dois être calme, et me courbant sur moi-même, je lirai en moi comme en un livre. Allons.